Bonsoir à tous et bienvenue à ce dernier journal en français de ce vendredi dont voici la charpente. Le tribunal de grande instance de Gitega a décidé dans l'après-midi de ce vendredi une libération provisoire à l'endroit de l'abbé Jean-Marie Chiza qui avait été arrêté sur accusation de tentative de viol sur une jeune fille. La date de passation du concours national est désormais connue, ça sera le 20 juin. Cela a été annoncé par la ministre de l'Éducation. Elle indique qu'une des innovations pour cette édition, c'est que les épreuves seront choisies par les enseignants des différentes provinces. Le rendez-vous donné par la médiation dans le conflit burundais qu'un accord pourra sortir au mois de juin n'est pas réalisable. C'est du moins l'avis du président du Sénared qui indique que tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant ne garantit pas un accord. Pour lui, il faudrait une vraie confrontation entre les protagonistes. Une lumière doit être faite sur le dossier de la disparition de l'honorable Nassan Oscar. Il est porté disparu depuis plus d'un mois. Ses demandes et de son épouse qui indiquent que la famille avait gardé le silence jusqu'à présent parce qu'ils étaient encore sous le choc de cette disparition. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal mis en onde par Eric Ouimana. Et au micro, vous êtes avec Alida Ndaikeza. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. L'abbé Jean-Marie Chiza de l'archidiocèse de Gitega vient d'être admis en liberté provisoire par le tribunal de grande instance de Gitega dans l'après-midi de ce vendredi. C'est après qu'il est passé devant la chambre de conseil ce mercredi. Pour rappel, l'abbé Jean-Marie Chiza avait été arrêté et incarcéré, accusé de tentative de viol d'une jeune fille. Des preuves qui n'ont pas convaincu le siège. Un des avocats de la défense précise que sa sortie de la prison est attendue ce lundi après remise de l'ordonnance attestant sa libération. Parlons éducation. Le concours national débutera le 20 juin de cette année. L'effectif des élèves attendus est estimé à plus de 144 000, dont ceux qui avaient échoué à ce concours l'année passée. Cela a été dit par la ministre de l'Éducation ce vendredi. Janvière Ndirahisha indique que cette année, la commission qui va choisir ce concours est choisie parmi les enseignants des différentes provinces, alors que les années passées, ce concours était choisi par les concepteurs des programmes. Janvière Ndirahisha, c'est la ministre de l'Éducation. D'abord, je voudrais informer l'opinion publique que les années passées, le concours était choisi par les concepteurs des programmes. Mais cette année-ci, nous avons constaté que même au niveau de la communauté est-africaine, les questions qui font sujet du concours devaient être normalement choisies par les enseignants. Alors, c'est ce que nous avons fait cette année. Donc, nous avons choisi des enseignants dans les différentes provinces. Mais avant de faire passer le concours, nous mettons sur pied une commission qui passe à travers toutes les directions provinciales, toutes les directions communales de l'enseignement pour se rassurer des programmes vus par les élèves dans les différents établissements. C'est-à-dire que les enseignants vont choisir des questions pour les matières vues par tout le monde. Le concours débute le 20 juin 2017 et termine le 22 juin 2017. Donc le concours concerne deux catégories d'élèves. Si vous vous rappelez, l'année passée, il y a eu des élèves qui avaient réussi en classe mais qui n'ont pas eu la chance de réussir au concours. Et puisque c'était le premier concours accédant au poste fondamental, nous nous sommes dit qu'il faut quand même donner une chance à ces élèves qui avaient réussi en classe de revenir tenter leur chance. Donc nous avons, les deux catégories sont les élèves qui sont inscrits régulièrement en 9e, qui sont au nombre de 115 993, et ceux qui reviennent comme autodidactes. Et là aussi, il y a deux groupes, ceux de la 9e, qui sont au nombre de 17 475, mais aussi ceux qui ont fréquenté la 10e, qui sont au nombre de 11 327. Nous tenons aussi à rappeler que ceux qui avaient fait la 10e, le concours concernera les matières vues en 10e. Parlons politique à présent. Le conseiller principal chargé de la communication à la présidence de la République accuse le Conseil des Nations Unies d'avoir perdu l'objectivité et la neutralité dans la politisation des droits de l'homme. Dans une conférence débat organisée dans l'après-midi de ce vendredi, Willy Nyamitwe redoute déjà des résultats du rapport sur le droit de l'homme au Burundi qui sera présenté à Genève du 14 au 15 du mois en cours. Suivez Willy Nyamitwe. Mais le train de la déstabilisation du Burundi amorce sa vitesse de croisière. Et ce train se dirige à grande allure à Genève, au Conseil des droits de l'homme. Mais pourquoi au Conseil des droits de l'homme? Eh bien, parce que sous l'impulsion du dictat occidental, le Conseil des droits de l'homme a perdu ce qu'il avait de plus sacré, l'objectivité, la neutralité. Et les droits de l'homme sont devenus un concept politisé à outrance. Je le disais donc, l'objectivité fait défaut. La neutralité est reléguée au calendrier grec et ce concept est utilisé pour défendre les intérêts des uns au détriment des peuples, surtout des peuples africains. Donc, nous savons donc, à Genève, le Burundi n'attend rien de bon, rien d'objectivement présent. Le rapport oral qui sera présenté le 14 dans l'après-midi et le 15 dans l'avant-midi à Genève au Conseil des droits de l'homme et dans le prolongement du tristement célèbre EINUP qui a produit un rapport via WhatsApp sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Dans ce rapport, on dira que les Imbonerakure sont des violeurs, que ce sont des criminels, que les forces de défense et de sécurité burundaises tuent, qu'il y a des disparitions forcées, qu'il y a des personnes torturées, que l'espace politique est rétréci, que des éléments toujours mis entre guillemets non identifiés ont tué des gens. Et que ne dira pas ce rapport? Le rapport ne dira pas que le Rwanda recrutait des réfugiés, il ne dira pas qu'il y a des jeunes qui ont été transformés en machines à tuer. Le rapport ne mentionnera pas que des criminels ont enlevé puis tué des innocents, jetant leur corps dans la rue. Il ne dira pas que les putschistes sont au Rwanda ou en Belgique. Et ce rapport ne dira pas que le Burundi est en paix, que la sécurité règne sur tout le territoire, que des éléments identifiés et identifiables tirés dans certains quartiers, lancer des grenades et tuer des gens. Il ne dira pas non plus que ces individus ont été vaincus, désarmés, et que d'autres ont fui vers le Rwanda. On s'excuse de la qualité du son. Continuons à parler politique. La plateforme du Sénared pense que l'accord entre les Burundais en discussion à Arusha ne pourra pas voir le jour au mois de juin, comme l'avait annoncé le facilitateur Benjamin Mkapa. Le président de cette plateforme a indiqué que la raison de cette prise d'opposition, c'est parce qu'il n'y a jamais eu de discussion entre les protagonistes. Charles Nditije invite l'équipe de la médiation de préparer d'abord une séance entre toutes les parties prenantes. Suivez Charles Nditije. Je pense que c'est un calendrier qui est plus que irréaliste parce que jusqu'à ce jour, le facilitateur dans le conflit burundais a déjà organisé, je crois, une affaire de plus de 4 sessions, mais sans jamais pouvoir mettre ensemble les protagonistes pour qu'ils les confrontent et les uns et les autres expriment leur position. Deuxièmement, on n'a pas encore bien identifié les parties prenantes au conflit burundais parce que généralement, les protagonistes ne sont pas identifié par la facilitation ni par une partie à négociation. C'est plutôt par rapport à l'origine du conflit aujourd'hui. Toutes ces catégories de personnes doivent être identifiées et conviées à la table de négociation pour plus d'inclusivité, pour que l'accord qui sortira soit approprié par toutes les catégories pour espérer arriver à une solution durable. Et ensuite, l'autre source d'inquiétude, c'est que on ne s'est pas encore entendu sur l'agenda des négociations. On ne s'est pas non plus encore entendu sur la méthodologie. Est-ce que nous allons travailler en commission? Est-ce que nous allons faire des plénières? Nous apprenons que la facilitation aurait opté pour des consultations séparées, qu'elle puisse faire une synthèse. Cela ne s'appelle pas négociation. Or, on ne peut pas, dans un conflit aussi profond, aussi grave, se contenter d'entendre les uns les autres de leur côté sans qu'il y ait confrontation des points de vue. Voilà tout un tas de facteurs qui montrent clairement qu'il est impossible qu'on puisse arriver à un accord viable d'ici la fin de ce mois. Et si accord il y a, c'est un accord qui est peut-être en train d'être écrit par la facilitation pour vous, il faut qu'il y ait confrontation entre l'opposition et la mouvance pour aboutir à un accord? On ne peut pas négocier de manière constructive, espérer un résultat tangible si les parties prenantes ne s'asseyent pas ensemble, ne s'entendent pas sur la nature du conflit, parce que c'est à partir de tous ces éléments que l'on peut espérer arriver à un compromis, ce sera un accord imposé de l'extérieur. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Le journal continue. La famille de l'honorable Nassan Oscar sort du silence après plus d'un mois de disparition de ce sénateur. La mère de la famille dit que leur silence a été dû au choc causé par l'événement, mais indique que la police a été saisie le lendemain de l'enlèvement. Cette famille demande au parquet général de la République d'accélérer les enquêtes afin de donner la lumière sur ce dossier. Suivez Prisca Ndikumana, l'épouse de l'honorable Nassan Oscar. Et la famille décide de sortir sa voix parce que ça fait à peu près un mois, 10 jours. On attendait parce qu'on avait déclaré à la police. On attendait qu'on va avoir la suite ou bien l'information à propos de ça. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a rien reçu comme information. Alors, comme l'incident s'est passé, il y a la disparition, on a décidé d'informer le public pour qu'il nous aide à chercher parce qu'on attend toujours... On demande au public qu'il nous aide. Si jamais ils ont une information fiable à propos de l'enlèvement du disparu et les deux veilleurs qui étaient avec lui, s'il y a quelqu'un qui aurait une information, qu'il puisse nous indiquer. C'est ça l'objectif de sortir notre voix un peu tard. Il y a une personne qui a été retrouvée morte dans un véhicule accidenté à Muyinga. Et la police a dit qu'il s'agissait du kidnappeur de votre époux. Était-il connu de votre famille? Le type qui a été trouvé mort dans la voiture de M. Ndassano, on l'a connu il y avait 4 jours parce qu'il a contacté lundi. Il est venu même au bureau le 17. C'est là où il a été connu de la famille. Mais avant ça, on ne le connaissait pas. Il s'est présenté comme un businessman qui est intéressé de faire le business, de louer la parcelle qui nous appartenait. Avant ça, on ne le connaissait pas. On a trouvé son corps, on l'a reconnu et même en photo, on l'a reconnu parce qu'on l'avait vu. Jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas encore présenté à la police pour demander l'évolution du dossier. Où est-ce qu'on en est avec le dossier? La police nous a informé que le dossier a été transféré au parquet. Le parquet ne nous a pas encore contacté, mais c'est pourquoi nous, on a décidé de lancer un appel, de lancer notre voix au public, de nous aider de notre part pour essayer de chercher parce que ça fait un bout de temps et puis on n'a rien comme information à propos de cette disparition. Le parquet, on lui demande d'essayer d'accélérer parce que vraiment, on est impatient de savoir ce qui s'est passé. C'était Prisca Ndikumana, l'épouse de l'honorable Nassano Oscar. Les consommateurs du courant électrique œuvrant au centre-ville de la capitale Bujumbura demandent d'être approvisionnés en électricité, faute de quoi ils risquent de connaître une paralysie des activités. Ils indiquent qu'ils passent presque toute une journée sans être servis. Placé Denis Mungere a fait le tour de ce centre-ville. Devant certaines maisons dans le centre-ville de Bujumbura, s'observent des groupes électrogènes. Certains sont allumés, alors que les autres restent éteints pour sauver la situation en cas de coupure. Celle-ci, dans une imprimerie, indique qu'aller au service, connaissant qu'il n'y a pas d'électricité, il s'agit d'une perte. La coupure d'électricité, c'est un problème très grave, et surtout pour nous, les propriétaires des imprimeries. C'est une perte, tant au niveau de la vie familiale et de la vie aussi de l'État. Si on n'a pas de courant, on en fait. Fait rien entrer dans les caisses de l'État. Au niveau des secrétariats, la situation est pareille. Celle-ci indique que depuis son arrivée le matin, elle a trouvé son bureau non alimenté en électricité. Elle ajoute que des fois, ne voit que le courant vers 17h, alors qu'il est temps de rentrer à la maison. Elle est seulement que des clients rentrent comme ça, alors que pour eux, ils devraient encaisser. Cet homme, surpris d'une coupure d'électricité, avise ses connaissances via son téléphone qu'il préfère regagner la campagne sans être servi faute d'électricité. Les propriétaires des bars et salons de coiffure de leur côté ne voient à quel sens se vouer face à cette coupure. Ils indiquent qu'ils allaient faire recours aux groupes électrogènes, mais le pétrole fait défaut. Pour ce propriétaire de bar, il se lamente qu'ils ne peuvent pas conserver ni de boissons ni de viande et les clients ne parviennent plus à tenir dans l'obscurité. Difficile à comprendre le phénomène du manque d'électricité au centre-ville, s'inquiète ce propriétaire de bureau consommateur de l'électricité au centre-ville. Celui-ci déplore que, s'il arrive le cas de manque du courant électrique au centre-ville de la capitale, c'est le pire. Il ajoute qu'il est difficile d'allumer les groupes électrogènes pour sauver la situation. Le pétrole fait défaut. Tous ces propriétaires de bureaux consommateurs de l'électricité demandent à la régie des eaux de faire le tout possible pour alimenter le centre-ville, sinon il risque de connaître une paralysie des activités. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rendons-nous à Rumonge pour parler de la pêche. Après que les pêcheurs de la plage de Rumonge aient déclaré que leur activité de pêche est paralysée suite à l'insuffisance du carburant, le gouverneur de la province de Rumonge leur supplie d'utiliser cette quantité de 30 litres leur octroyée par pirogue, arguant que c'est une décision consensuelle avec leurs représentants au sein de l'association des pêcheurs. Aux doléances des pêcheurs voulant le double de la quantité du carburant qu'ils perçoivent à la pompe, le gouverneur Juvenal Wigirimana trouve que cela pourrait paralyser d'autres secteurs de vie de la province de Rumonge. On l'écoute. La doléance d'une part, oui, mais d'une autre part, et je pense que peut-être il veut l'exagérer. Les pêcheurs, on a donné une quantité qui n'est pas la même selon la distance du lac en provenance du millier d'accostages. Par exemple, d'Ogatumba jusqu'à Kabezi, on a donné 20 litres. De Kabezi jusqu'à Rumonge dans notre province, sur toute la province, on a donné 30 litres. Et puis l'autre partie de Nyanzalak, là-bas, on a donné 40 litres pour chaque pirogue. Et tout simplement, ils veulent dépasser les limites. Ils réclament le carburant de plus pour qu'ils puissent aller dans les eaux du lac de la RDC. Prenons l'exemple. Nous avons 9 stations-service. Les stations qui ont toujours peut-être le carburant, nous avons 6. Ici dans la ville. Chaque station, par exemple, avec 15 000 litres d'essence, 15 000. Les 6, on totalise 90 000 litres. Avec les 30 litres que chaque pirogue doit prendre par jour, multiplié par 2700 pirogues, on a 81 000 litres. Avec les 90 litres que peuvent contenir dans les stations qui sont ici. Alors, on donne ça, 81 litres aux pirogues. Ça va rester combien? Toutes les activités vont s'arrêter, les autres activités. Il faut que les pêcheurs comprennent, même s'ils viennent du lac, ils ont besoin des gens qui vont acheter les poissons pour aller à Bujumbura. Et s'ils n'ont pas de carburant, comment est-ce qu'ils vont se déplacer jusqu'à Bujumbura? Ils ne vont pas avoir, même aussi, ils n'ont pas avoir des clients pour acheter leurs poissons. Il faut partager ce carburant, puisque les véhicules que nous avons ici dans la province de Rumonge dépassent de loin le nombre des pirogues. Alors pourquoi est-ce qu'ils veulent s'accaparer de tout le carburant qui se trouve dans les stations de Rumonge? Il faut qu'ils partagent. Au sein de l'association des pêcheurs de Rumonge, l'on indique que plus de 70% des pêcheurs ont arrêté leur activité de pêche suite à la quantité du carburant qu'ils jugent insuffisant. Et terminons ce journal en allant à Muyinga, où un camion dit Fousso avec 26 tonnes d'haricots a été remis ce vendredi par le cabinet du gouverneur de la province de Muyinga au représentant du ministère en charge de la solidarité. Ce véhicule a été saisi il y a environ 2 mois. Cette marchandise allait être exportée vers un pays voisin, Dieudonné Nzeimana. Après avoir vérifié le contenu du camion dit Fousso, un représentant du ministère en charge de la solidarité a signé un procès verbal de remise et reprise de 26 tonnes d'haricots et le véhicule entre le cabinet du gouverneur de Muyinga et son ministère. Maman Sijan Derekman, conseiller principal du gouverneur de la province Muyinga, indique que ce véhicule et son contenant ont été saisis et la justice a décidé que ça soit remis à l'État. Le chauffeur ayant accompagné le signataire du procès verbal de remise et reprise, a pris la clé de contact du véhicule qui stationnait devant le bureau du gouverneur il y a environ 2 mois, le camion a pris la destination de Bujumbura, d'après des policiers sur place. Le camion avait été intercepté à Kovilo. Le chauffeur qui le conduisait est pour le moment à la prison de Muyinga. Les juges du tribunal de grande instance de Muyinga l'ont condamné à 5 ans de prison pour atteinte à la bonne marche de l'économie nationale, du fait que cette marchandise allait être vendue dans un pays voisin dont les relations commerciales sont suspendues avec le Burundi. L'homme en prison aurait interjeté appel. Son patron reste introuvable. Cela n'empêche, le haricot a été remis au ministère de la Solidarité nationale. Dieudonné Nzeyimana, de Muyinga pour la radio Isanganiro. Merci Dieudonné. Et c'est par ici que se termine ce journal. Merci pour votre attention. Merci également à Eriko Imana pour la mise en onde. Au micro, vous étiez avec Ali Dandaïkeza. Au revoir à tous.